Je te mets la basse, enfin c'est pourri, hein, mais bon. Je sais pas combien qu'il y a de mesures par contre. Attends. Je vais mettre la piste de basse. 3, 4. Bon, la basse. Thank you. Don't you forget about me. piano. Thank you.